Madame, vos petites manies agacent votre conjoint? Ah ouais, à chaque fois qu'elle range quelque chose dans le placard, elle le met en équilibre. Et après, quand je l'ouvre, ça tombe. Votre conjoint s'énerve à chacun de vos agissements dans la maison. Exactement. L'autre jour, elle fait la vaisselle et paf, pareil, j'ai fait tomber une assiette en équilibre. Vous prenez également des initiatives qui déroutent votre bien-aimé. Oh là là, elle prend jamais le bon format de bière quand elle fait les courses, sous prétexte que les canettes, ça prend moins de place dans le frigo. Elle m'énerve. Sans parler qu'elle décide toujours de passer l'aspirateur au moment où je regarde le foot à la télé. Si t'es pas content, t'as qu'à le faire toi-même, espèce de grosse feignasse. Hein ? Madame, si vos manies agacent votre gros con de mari, changez-le. C'était un message de la prévention psychologique.